Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cet opus de Caprice de lecture où aujourd'hui nous allons aborder un thème qui n'est pas courant en littérature, qui est blanche. Donc c'est le titre du livre, édité chez Hello Éditions et écrit sous la plume de Marco Noël. Bonjour Marco. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Un plaisir partagé. Dans les studios de Fadjet, donc pour ce caprice de lecture. Et tu vas nous emmener aujourd'hui dans un monde un petit peu, alors j'allais dire onirique, mais c'est pas forcément le bon terme, dans un monde un peu différent du nôtre. Et ça fait du bien de faire un peu un pas de côté. Alors Marco, comme le veut la tradition dans Caprice de lecture, je vais te poser à peu près 5 questions auxquelles tu auras le choix de répondre ou pas. Tu feras comme tu veux. Et puis tu as l'air très prêt. Et puis en dernière partie d'émission, donc tu nous parleras d'un de tes caprices de lecture. Donc pour les auditeurs, c'est un livre que l'auteur a aimé ou a apprécié, qu'il soit récent ou non, mais qu'il souhaite partager avec nous. Marco, es-tu prêt? Je suis prêt. Ah donc, tu es prêt. Alors, Blanche est un roman, à mon sens, très surprenant, tant dans son genre que dans son thème. Comment t'est venue l'idée et l'inspiration, surtout, de ce roman ? Alors, je vais essayer de répondre en ne gâchant pas le plaisir du lecteur, en ne spoilant pas la fin, parce qu'il y a comme tu l'as remarqué, il y a un twist dans ce roman. L'inspiration, elle m'est venue de deux directions particulières. La première, c'est un rêve que j'ai fait. Et en réalité, donc, c'est ce qui se réalise à la fin du roman. D'accord. C'est un rêve à la limite du cauchemar, hein, quand même. Oui, bah oui, pour ça que je t'écoute. Et la deuxième chose, mais je pense qu'on y reviendra après sur mes routines d'écrivain, c'est la façon dont Blanche est sortie de mon cerveau. C'est en réalité, je me pose souvent dans les cafés des villes que je parcours. Et je fais des portraits, des tableaux, en fait, de personnes que je trouve intéressantes à décrire. Donc, tu dessines ? Non. Tu les écris ? Je parle de portraits écrits, absolument. Tu les observes et tu les décris ? Exactement. Et je vais essayer de chercher un petit peu ce qu'il y a derrière l'apparence, derrière la tenue vestimentaire, essayer de capter le regard, le sourire, la tristesse qui peut y avoir derrière D'accord. un regard. Et en fait, en écrivant ce genre de tableau, j'ai eu des personnages qui ont émergé comme ça, et de la réalité. Et en fait, à l'issue de ce rêve, lorsque je me suis réveillé, je me suis rendu compte que les portraits que j'avais faits pouvaient répondre à une narration d'ensemble. Donc l'idée de Blanche a émergé comme ça. Oui. Jamais auparavant tu aurais peut-être eu, ou alors c'était peut-être une idée peut-être un peu floue, et puis voilà quoi, ça, des fois ça en reste là. Et disons que j'écris tout le temps, j'écris depuis que je suis gamin, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des choses qui pourraient s'apparenter à des essais de romans, mais la narration qui est venue, en fait, j'ai eu la fin, et je pense que d'ailleurs c'est comme ça que, en tout cas c'est comme ça que j'essaye d'écrire le suivant, c'est de trouver la fin de l'arc narratif de manière à savoir déjà, à avoir déjà un point de fuite, à savoir déjà où on va. Plutôt, je sais qu'il y a des écrivains, des écrivaines qui vont construire petit à petit leur fil narratif. Ouais. Pour ma part, c'était, voilà, j'ai eu cette révélation dans le sommeil, on y reviendra aussi. Ouais. Et cette révélation m'a permis d'avoir un cap. Et, et ce cap, finalement, bah, c'est la galerie de personnages que j'avais dressée, qui n'était absolument pas dans un projet d'écriture plus vaste. Okay. Et tout s'est assemblé ainsi. Ah, c'est incroyable. Non mais, en direct live, la réaction, parce que il y a des auteurs que je reçois, alors pas tous, hein, qui me disent « Oh là là, mais moi j'ai mûri mes personnages, etc. Voilà. » Et toi, hop, tu sors d'un rêve, tu sais que t'as toute cette galerie-là, et tu sais qu'ils vont tous parfaitement s'imbriquer. Alors, je sais pas qu'ils vont tous parfaitement s'imbriquer, c'est-à-dire que ça, tu sais que ça, c'est ça a eux. Été un travail. Tu voilà, sais que je c'est sais eux. Que c'est eux. Et pour tout te dire dans la gestation du projet, il me restait, on va dire, 5 ou 6 chapitres à écrire. Je savais où j'allais, donc j'avais la fin depuis le début. Ouais. Et en réalité, j'ai imprimé tout ce que j'avais pu écrire. Moi, j'écris à la main. Hein. Okay. Ensuite, je repasse sur ordinateur. Et là, j'ai imprimé tout ce que j'avais écrit. Et j'ai tapissé, ça fait très, très image d'Épinal de l'écrivain, mais j'ai tapissé tout un mur de mon appartement avec toutes les pages que j'avais écrites. Et où je me suis dit, voilà, je dois arriver à la fin. Voilà tout ce que j'ai écrit. Et un peu comme un enquêteur qui... Je vois, avec les ficelles avec les et tout ça. Exactement, qui cherche un serial killer. Ben, moi, j'ai cherché comment raccrocher le lecteur à la fin. Et donc, bah, tu as dû faire des coupes ou déplacer des Absolument, choses. Ouais. Voilà, ouais, quoi. Bah, ça, on le fait tous, mais enfin, pas. Mais là, je trouve ça extraordinaire parce que ça fait un peu. Ça, ça donne un côté un peu Sherlock Holmes comme Exactement, ça. Exactement, oui. C'est super sympa. Ah, ok, d'accord. Alors, justement, parlons un peu plus du roman. Tu as écrit à un moment du roman que je ne veux pas dévoiler, parce que j'aime bien que les lecteurs aillent chercher et soient curieux. Le malheur a inventé la distanciation physique. Moi, c'est une phrase qui m'a. Je suis restée longtemps dessus. Au départ, je ne savais pas pourquoi. Et je me dis, est-ce que le malheur a inventé la distanciation physique ? Alors, j'essayais un petit peu de me remémorer peut-être des choses que j'ai vécues, moi, avant, dans une vie précédente, quand j'étais plus jeune, tout ça. C'est une phrase qui fait réfléchir. Et en plus, tu ajoutes, alors ça, c'est la première phrase que tu mets dans le roman, la mort sans le vinaigre. Oui. Moi, quand même, j'ai été rechercher comment se fabrique le vinaigre. Parce que j'ai quand même eu un doute à un moment. Je me suis dit, mais c'est moi, il y a un truc que j'ai zappé. Tu es de ces romanciers qui viennent nous chercher là où... Tu viens nous sortir de notre zone de confort. Mmh. Pourquoi pour toi, c'est important de nous dire que le malheur a inventé la distanciation physique ? Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Parce que je n'ai pas d'exemple ou de contre-exemple là, comme ça, tu vois, à donner. Mais pour toi, c'est ça. Le malheur a inventé la distanciation physique. Bon, alors, il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit post-Covid. Donc déjà, ouais. l'idée ouais. même de distanciation physique, elle est imprimée ouais. dans notre engramme. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ta question. Par rapport au fait que je veux venir vous chercher hors de votre zone de confort, que je veux venir chercher le lecteur, ça, pour moi, c'est une priorité. Bah, c'est réussi, je te le dis. Hein. C'est vraiment réussi. Hein. C'était déjà une de mes priorités dans mon ancienne vie. On va sans doute parler de ma carrière actuelle, mais j'ai également été enseignant. Donc, ouais. Venir chercher les élèves et les sortir de leur zone de confort, ça faisait partie de ma pédagogie. Et puis, je pense que trop souvent dans la littérature, et notamment dans la littérature qui circule sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui est BookTube, etc., ouais. On est dans l'ère de l'autobiographie, on est dans l'ère du nombrilisme. On veut se mettre en scène, on veut se regarder le nombril et le montrer aux autres, et je trouve que plutôt que d'être une porte vers soi, j'ai besoin... Que d'être la littérature, une porte vers les autres. D'être une fenêtre ouverte vers les ouais. autres, ouais. Et c'est tellement ça. C'est marrant quand tu dis ça, parce que moi, je pense à la précédente rentrée littéraire où la plupart des ouvrages qui sortaient, c'était mon héritage, souvenirs de famille. Ouais. L'année d'avant, c'était sur tout ce qui était violence sexiste et sexuelle, etc. Et ça fait un peu grand déballage de brocante. Alors, c'est important qu'on en parle hein, de ces genres de sujets, mais à un moment, la littérature, elle est phagocytée. Oui. Par le besoin de prise de parole et de témoignage. Tout le monde, alors, je te rejoins avec les BookTube, et moi je vais même plus loin avec les réseaux sociaux, tout le monde se sent légitime et obligé d'aller déballer toute sa vie, les photos de vacances, ce qu'on mange au resto, etc. Et moi, je n'aime pas ça. Enfin, moi, j'aime pas ça. Moi aussi, j'aime pas ça. Mais moi, j'aime bien qu'on vienne me chercher pile où je pensais aller, parce que le titre de ton livre, en plus, Blanche, un phare sur la couverture. Sur la couverture, avec un paysage que moi j'adore forcément, puisque je reviens de Laponie, alors c'est un des paysages qui me parle le plus. Je me dis, ok, alors c'est une histoire genre littérature blanche, tu vois ce que je veux dire, hein. Oui. Un truc qui se lit bien. Et là, la première phrase, la mort sans le vinaigre, je me dis, ouais, non, là, Sarah, t'es pas du tout où tu croyais être, donc continue. Et c'est ça qui est important, et je pense que les auteurs, que ce soit des auteurs de la région ou même des auteurs nationaux, mais s'il vous plaît, sortez des sentiers battus, mais venez nous chercher. Parce que en plus, on est, comme tu le dis, phagocytés par tous les grands noms en plus de la littérature. Oui. Et on n'achète plus un livre, on achète un nom. Oui, absolument. Ouais, oui. Et on ne regarde même plus ce qui... Sur le quatrième de couverture, on ne regarde même pas. C'est un nom... Si l'auteur a écrit 2-3 bouquins bien, pouf, on achète et on se pose aucune question. Oui. Enfin voilà, c'était mon cri du cœur de la littérature parce que je te rejoins. C'est quand même incroyable quoi. C'est comme tout, c'est comme bon bref. Mais pour répondre à ta question ouais. sur le vinaigre, tu l'as remarqué dans le livre, chaque sens est important en fait dans la construction et du personnage principal qui est un fantôme donc qui n'a plus de. T'es même ça, je l'avais pas dit. Hein. J'avais rien dit. Hein. On le sait dès la première page, donc oui. Voilà, je spoil pas trop. Et je pense que cette dimension sensitive, elle est extrêmement importante aussi pour sortir de... tu parlais des réseaux sociaux, de ce côté avec le miroir qu'on a devant soi, sans arrêt. Il y a une image qui m'a frappé. Alors, je vais passer pour un vieux débris. Hein, mais, un vintage. Un vintage. Mais il y a une image qui m'a frappé. Je me baladais à Metz il y a quelques semaines et devant un arrêt de bus, en fait, il y avait une trentaine de personnes, des jeunes et des moins jeunes, et tous étaient courbés sur leur téléphone. Il n'y en avait pas un seul en interaction. C'est terrible. Alors, je sais que quand on attend le bus, c'est pas forcément... Mais c'est terrible. Mais c'est terrible, oui. Bah, moi, quand j'attends le bus, je lis un bouquin. Voilà, mais bon, bref, chacun fait son truc, mais je suis assez d'accord. Et en plus, à mon sens, chaque livre ouvert est un nouveau monde à découvrir. Et oui, mais moi, j'ouvre un livre, je parcours d'autres mondes, d'autres contrées, un autre pays, j'apprends plein de choses, et j'ai l'impression que c'est un combat de chaque jour. Alors, on en parle maintenant, je vais aller un peu plus loin, du coup. Tu as eu, je crois, une carrière d'enseignant, oui. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Comment t'arriver à amener tes étudiants ou lycéens, je ne sais pas en quel niveau tu... Collège, lycée, j'ai été jusqu'à l'université. Ouais. Est-ce que t'as réussi à leur faire découvrir justement cette fenêtre ouverte sur le monde ou pas? Bah, j'espère, sinon ça voudrait dire que j'ai passé 15 ans de ma vie dans le vent. Mais est-ce que t'as des petits souvenirs comme ça où tu t'es dit, où des élèves sont venus te voir, ou même des étudiants en te disant oh, « merci ». Oui, j'ai des retours, mais je pense que d'ailleurs chaque enseignant qui fait son travail consciencieusement est toujours enrichi de ces retours-là, d'élèves qui, une fois dans la vie adulte, me disent « bah voilà, j'ai fait Sciences Po » ou « voilà, je suis ici maintenant et c'est un peu grâce à vous ». Je pense qu'on participe en tant qu'enseignant comme en tant que parent à la construction de la jeunesse. Je ne veux pas me donner le plus beau rôle que ce que j'ai eu. Oui, j'ai eu de très bons retours. Ouais. Mais c'est normal, parce que quand on est passionné par ce qu'on enseigne, c'est ce que j'allais dire. Transmet la passion. T'es passionné, ouais. Et forcément tu transmets. Et j'espère que dans l'écriture, c'est ce que j'arrive également à faire, de transmettre la passion pour les mots et pour les idées et pour l'imaginaire, parce que je pense que c'est vraiment important d'aller dans un autre monde que celui qu'on a, qui n'est pas forcément toujours très joyeux. Exact. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais la construction narrative est quand même assez pointue, avec les mots bien choisis, hein. Mieux. Chaque mot a son poids dans chaque phrase. Ouais. Chaque mot a son poids. Il y a beaucoup de symboles qui sont cachés. Alors, tu parlais de la couverture, hein, avec un beau travail de mon éditeur. Ouais. Avec le phare, avec le titre du livre, avec beaucoup de symboles qui sont distillés au fur et à mesure des chapitres et qui permettent à la fin une compréhension. J'ai été marqué quand j'étais jeune par des films avec des gros twists comme Fight Club par exemple, et voilà, c'est ou comme Usual Suspect, c'est en fait c'est un peu ce genre de roman où je suppose que toi aussi t'as dû t'accrocher pour passer les débuts qui peuvent paraître très déroutants et parfois austères, et puis au fur et à mesure construire ce faisceau d'indices et arriver à la fin avec je comprends maintenant. Mais ça oblige à une lecture. Tu n'écris pas comme ce qu'on appelle la littérature à l'américaine. Certes, il faut que ça aille vite, il faut que ça claque tout de suite, et voilà. Tu nous obliges à ralentir aussi le rythme, et ça, c'est important. Après, on comprend mieux pourquoi aussi on ralentit le rythme. Il y a plein de choses qui se passent. Parce que chaque mot, on se rend très vite compte que chaque mot a son importance. Et quand on découvre le twist, moi, je suis revenue en arrière. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, il m'avait laissé ça. J'avais laissé des indices. Et je ne l'avais pas compris sur le coup. Enfin, voilà, je ne dévoile pas plus. Alors, on va faire une première coupure musicale avec Kaleo, I Want More. Pourquoi ce choix, Marco? Alors, ça va être un peu un fil rouge de l'émission, de parler de l'Islande. Kaleo, c'est un groupe de rock islandais. Ok. Et qui est assez connu, hein, avec des titres comme No Good ou Way Down You Go. Kaleo, c'est un groupe que je trouve très intéressant parce qu'il est à la croisée des chemins de plein de genres musicaux, le blues, le folk, le rock, avec la voix du chanteur qui est très très particulière, rocailleuse, ça rappelle un peu les volcans islandais. Ouais. Et ce morceau, I Want More, déjà les paroles sont absolument magnifiques. Porteur d'espoir et d'amour, parce que c'est quand même aussi un des thèmes du roman. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Eh bien, ça marche, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie d'émission. Homegrounds feels like the way it's been lifted always. If she leaves me there, I won't run. Please pass it on, carry me down. All you need to know is I want more. More, looking for more. I want more. More, I want more. So light, hold back the night. Wait till it's right. Then you fold your hand into mine. Watch as the waves fall back into place. So don't you leave me there wanting more, more like before. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Blanche et son auteur Marco Noël. Marco, comment ça va ? Ça va très bien, et ben, les super. Studios de Fadjet. Super, merci beaucoup. Alors justement, dans la première partie, on a commencé d'évoquer un petit peu les ingrédients ou les secrets de fabrication de Blanche. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à toi et à, on va dire, à l'homme derrière la plume. C'est quoi la journée type de Marco Noël, le romancier, le journaliste, les deux? Et j'irai même plus loin, c'est qui Marco Noël derrière Blanche? Je sens le petit rire comme ça du côté. Le rire crispé. Alors, y a trois, quatre questions en une. Ouais. Donc, ah, j'ai fait fort. Ça ne facilite pas la tâche. Alors, la journée type de Marco Noël, le romancier, c'est... Si je suis en congé, si je suis en week-end, si je ne suis pas en train de passer les meilleurs moments de ma vie avec ma fille, eh oui. Je me réserve entre 1 à 2 heures par jour d'écriture. En fait, c'est un créneau. Je vais toujours dans des cafés. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à écrire seul chez moi. Donc, je vais dans des cafés et je me mets de la musique dans les oreilles. Et je me mets à écrire. Et c'est parti. Tout n'est pas à garder. Des fois, l'inspiration est là et je vais gratter une vingtaine de pages. D'autres fois, ça va être quelques lignes seulement. Mais je crois que c'est très important, et notamment pour les auteurs en herbe qui nous écoutent, de savoir que l'écriture, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et que c'est du travail, c'est une discipline. Et je m'impose cette discipline quand le travail me le permet. Ouais. D'écrire entre 1 à 2 heures par jour. Si jamais tu peux pas, pour des contraintes professionnelles ou autres, est-ce que tu ressens une espèce de frustration ? Alors, la frustration, elle était là, par exemple, dans ma carrière d'enseignant. Elle ne l'est plus dans ma carrière de journaliste. Okay. Parce que je vide ma plume également. Donc, d'accord. En fait, ce que je n'écris pas qui relève de l'imaginaire, ouais. Je vais quand même avoir extérioriser ce besoin, parce que c'est viscéral hein, quand même quand on écrit et qu'on vit pour ça, ce besoin d'écrire, je vais l'extérioriser par l'écriture d'articles, de dossiers, de ce genre de choses. Okay. Donc non, j'ai pas cette frustration-là dans mon métier actuel. Ok. Et alors la routine du Marco Noël journaliste, c'est comme n'importe quel journaliste. Est-ce qu'il y a une routine déjà ? Voilà, c'est-à-dire pas de routine. Ouais, voilà. C'est-à-dire être sous l'eau dès 8h du matin. Devoir gérer les scoops, les imprévus. Tu démarres la journée en disant « bon, de toute façon, je suis sous l'eau ». Voilà. Oui, voilà. Mais okay, c'est également ce qui est enthousiasmant, je trouve. Ouais, je pense que ça doit être stimulant. Ah oui, oui. C'est une espèce de défi à relever chaque jour, en fait. Oui. Et puis, alors, contrairement à mes confrères qui travaillent dans des quotidiens, moi, je travaille dans un média qui édite des périodiques mensuels. Ouais. Et donc, il y a également, et puis évidemment, le tout venant sur le site internet. Oui. Mais en travaillant pour des périodiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir le temps et l'énergie à se consacrer sur des dossiers sur le temps long. Okay. Mes confrères qui travaillent dans des quotidiens, souvent, ont d'excellentes idées d'articles qui... Mais ils n'ont pas le temps. Ben non, qui sont dans des tiroirs, en fait, et qui s'empilent, et ils ne pourront jamais sortir leurs histoires, parce qu'ils sont obligés de traiter chaque jour et de remplir un certain nombre de colonnes. Ils sont encore plus sous l'eau que toi. Ah oui, oui. Okay. Je pense que j'ai cette chance. Juste pour avoir une mesure, tu vois, pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà, et puis il y a le côté animateur aussi, puisque je présentais une émission de football luxembourgeois hebdomadaire, donc ça aussi c'est beaucoup de travail, okay. À aller voir les matchs le week-end. Tu dors quand même la nuit ou... Alors non, mais tu... Il y a combien d'heures dans une journée chez Marco Noël, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il y en ait parfois plus, mais j'ai la chance de ne pas avoir énormément besoin de sommeil pour être opérationnel. D'accord. Ça, c'est plutôt une chance. Moi, je suis admiratif parce que moi, si je ne dors pas 7 heures, je ne fais rien de productif. Donc, il faut que je dorme 7 heures. Et je trouve intéressant que tu arrives à combler ta frustration d'écrire ton roman ou tes romans en écrivant des articles ou ce genre de choses. Je crois que quand on a besoin d'écrire, toute activité... C'est pour ça aussi que je passe par l'écriture à la main. Ouais. Toute activité manuscrite qui va stimuler l'intellectuel, qui va faire en sorte qu'on arrive à exprimer quelque chose qui vient de soi, alors que ce soit de l'imaginaire, ça peut être quelque chose de très cathartique, une écriture comme ça qui va sortir ce qu'on a sur le cœur, ou une écriture beaucoup plus cadrée, avec un nombre de signes précis, etc. C'est aussi une gymnastique d'esprit qui permet de se canaliser. Ouais. Est-ce que t'as laissé un petit bout de toi dans Blanche ? Tu vois, quelquefois, tu parles de certains paysages avec du brouillard, tu vois, des choses un peu floues, tout ça. Et je me dis, est-ce que Marco, c'est quelqu'un qui voyage ou est-ce que c'est une partie de lui ? Moi, je suis convaincue qu'on laisse toujours une petite partie de nous dans un livre. Même une partie très intime ou très infime. Est-ce que tu laisses un petit bout de toi ou est-ce que tu fais attention, au contraire, à te protéger et voilà. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question après tout le speech que j'ai fait sur les autobiographies, etc. J'ai fait exprès. Alors, je partage ton avis. Je pense qu'il y a un peu de nous à chaque fois qu'on écrit une ligne, de toute façon. Inconsciemment tu vois. En revanche, que ce soit dans le personnage principal de Blanche ou dans les personnages secondaires, il n'y a rien de moi, si ce n'est Blanche. Oui, ok. Et ceux qui ont lu le livre comprendront. Mais en fait, ce n'est pas moi. Ce par quoi il est passé, je ne connais pas. Ce qu'il va affronter, je ne l'ai pas connu non plus. Les paysages que je décris, tu as commencé l'émission en parlant en citant le mot onirique. Ouais. C'est pas exactement ça, mais d'un côté, dans la description, il y a de ça, de l'ordre du rêve, de l'entre-deux. Hein, ça reste quand même un fantôme. On est souvent un peu dans un espèce de paysage un peu nébuleux. Oui, c'est vaporeux. On voit pas trop, c'est un peu flouté. Moi, j'imaginais un truc. On se met toujours à la place du personnage, en plus, quand on lit. Et je m'imaginais en train de plisser les yeux pour essayer de distinguer quelque chose. Et je me dis, tiens, peut-être que Marco, il a voyagé dans des pays ou dans des régions françaises où un matin, on se lève, on voit que c'est un peu nébuleux comme ça. Et après, la lumière arrive et voilà. Ça, je l'ai vécu aux îles Féroé. C'est absolument incroyable. mais je suis parti aux îles Féroé après avoir écrit Blanche. Donc, d'accord. C'est pas ça. Donc, c'était pas ça. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure, mais par rapport à la façon dont je pouvais me mettre en routine d'écriture, je disais que j'avais toujours de la musique dans les oreilles. Ouais. Et ça, c'est très important parce que je pense que c'est vraiment davantage le son qui va parcourir tout mon être et me faire résonner, que ce soit de la musique classique ou quelque chose de plus rock, qui va faire prendre l'envol des mots et peut-être utiliser des mots pour décrire des paysages qui ont été d'abord envoyés à mon cerveau par des ondes sonores. C'est ça qui va influencer, en fait. C'est davantage la musique plutôt que ce que j'ai vécu et mon expérience. Très bien, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien savoir qui est derrière la plume. C'est très, très important. Alors, je vais passer à la quatrième question. Et justement, ça concerne une partie du livre. Alors, pour les auditeurs qui écouteront cette émission, c'est page 66. Et c'est le deuxième paragraphe, une partie du deuxième paragraphe. Et je le lis. Se réveiller, c'est ouvrir les yeux, sentir l'air sur sa peau, se lancer dans une nouvelle aventure appelée jour, respirer consciemment. Mais quand les jours et les nuits se confondent, qu'on ferme les yeux constamment, est-il possible de se réveiller ? Est-on dans un état de veille permanente ou de sommeil sans fin ? Qu'est-ce que la mort, après tout, si ce n'est s'endormir pour toujours, fermer les yeux, comme dans les films, quand le héros passe une main éplorée sur le visage de son regretté acolyte et que soudain les traits s'apaisent et les paupières sont miraculeusement closes, ou comme les samedis soirs ivrognes où l'on s'effondre sur le canapé, l'esprit embrumé d'alcool et de tabac. Et je vais arrêter ma citation ici. Par exemple, il n'y a rien d'autobiographique. Non. Jamais je ne me suis effondré. Je me suis retrouvée dans une partie du paragraphe dont je ne citerai pas. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que je te disais hors antenne. À chaque fois, on est sur quelque chose, un sommeil profond, quelque chose de lourd. Oui. C'est ma partie préférée du sommeil, en fait, où il n'y a qu'une partie du cerveau qui fonctionne et qui laisse s'évacuer tout ce qui n'est pas à garder. Oui, voilà. Tout ce qui parasite notre pensée. Et moi, je me dis, mais est-ce que Marco Noël rend la mort synonyme de sommeil profond ? Et du coup, tu m'as fait peur, parce que je me suis dit, moi, je dors vraiment très bien, j'ai cette chance encore. Je me dis, mais est-ce que chaque nuit, je meurs un peu ? Mais j'espère pas. Bah, au contraire, même, les scientifiques ont mis en évidence le fait que quand on est en sommeil profond, on se régénère de... Alors, je vais être centenaire, Voilà. Je vais être centenaire. C'est peut-être parce que je ne connais pas ça. Je ne connais pas ce sommeil profond. J'ai l'impression. C'est un sommeil plutôt agité ou sommeil agité. Très en surface. En surface et très court. Et ces cycles de sommeil court avec de nombreux réveils fait en sorte que j'ai l'impression, en tout cas, parce que j'imagine que j'ai un sommeil profond à quelques moments. Tu dors quand même un peu. Puisque sinon je ne serais pas là à te parler. Mais... ou avec des incohérences, peut-être. Tout à fait, mais il y en a plein, j'imagine. Mais. Peut-être que c'est parce que je ne connais pas ou que j'envis cet état que je l'assimile à quelque chose de négatif, parce que ce qu'on ne peut pas avoir souvent, en fait, soit on l'espère de tout cœur, soit on le rejette. Exact. Et comme je n'ai pas la chance ou la malchance de connaître ce sommeil profond que tu as l'air de connaître sur le bout des doigts. C'est l'histoire de ma vie, je dors, je dors bien, voilà. Eh bien voilà, je l'assimile à la mort. En sachant que, parce que je parle beaucoup de mort dans Blanche, mais c'est jamais quelque chose qui est terrifiant. Non. C'est quelque chose aussi que je veux transmettre. Ça a été compliqué à expliquer, par exemple, à ma fille lorsqu'elle a été confrontée pour la première fois à la mort de quelqu'un de la famille, que la mort fait partie de la vie. C'est un cycle, et que à partir du moment où on prend conscience que on est terrestre et que on ne sera pas éternel, il faut aussi apprendre à accepter que il y a des choses qui peuvent s'apparenter à la mort et qui ne sont pas forcément négatifs. D'ailleurs, dans le langage argotique, la petite mort n'est absolument pas négative. Donc voilà, c'est. Et après, comme si tu as objectivé la mort. Oui, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, souvent, quand on dit le mot mort, alors ça fait peur, ça rend triste. Voilà, toi, tu l'as rendu, alors pas concrète, mais tu l'as objectivé. Tu dis, voilà ce qui se passe. Bon, je dis rien sur le livre, je te promets, je dis rien, je tiens ma langue. C'est très compliqué, mais voilà, je prends sur moi. Tu l'as objectivé, c'est comme si tu avais un peu lévité au-dessus en disant, c'est ça. Moi, c'est le sentiment que ça me donne. Et puis, il y a L'histoire du vinaigre. Ou l'histoire du vinaigre. Mais c'est important, de toute façon, d'en parler. Le personnage, dès la première page, on sait que c'est un fantôme. Ah oui, donc, si on ne parle pas de mort, en fait, on est à côté du sujet. Ouais. Et puis, je ne vais pas faire de comparaison, mais forcément, c'est un roman sur la mort, mais c'est un roman sur l'amour, avant tout. L'amour qu'on porte aux autres, l'amour qui nous porte et qui doit nous donner espoir. Et en fait, c'est... Mon éditeur, lorsqu'il a signé pour le contrat pour Blanche, il m'a dit « je suis bien embêté parce que je ne sais pas comment catégoriser, est-ce que c'est de la littérature générale ?» C'est la question que j'allais te poser, comment il t'a catégorisé ? Parce que C'est pas simple, hein ? C'est pas simple, et ils ont pris le parti de l'éditer dans la collection de littérature générale, okay. Sans spécificité, ouais. Parce qu'il y a... Il y a à la fois, c'est à la fois un roman d'amour ou une forme de romance très atypique. Oui. Il y a aussi un côté philosophique que voilà, je ne peux pas nier quand je suis face à des lecteurs. Et je pense que c'est un roman qui, et tu l'as dit tout à l'heure, vient nous faire sortir de notre zone de confort. Ah, complètement. Et j'espère que c'est un roman qui fait que quand on l'a fini et qu'on le pose, il nous a changé un tout petit peu dans notre façon de voir le monde. Il nous fait réfléchir. Enfin, moi, il m'a fait réfléchir. Est-ce que tu as des retours de lecteurs, déjà ? Alors, quelques retours ? Oui, j'ai des retours de gens qui s'adressent à moi. D'ailleurs, ouais. Je réponds à tout le monde, notamment sur Instagram. Mais j'ai pas d'avis, par exemple, sur les plateformes de vente en ligne. Okay. Et c'est amusant parce que souvent, les gens vont se focaliser sur les avis pour savoir s'ils vont déclencher l'acte d'achat. Mais ce que je trouve beaucoup plus valorisant pour moi, plutôt que d'avoir une note de 5, une étoile sur Amazon, ou la Fnac, ou d'autres plateformes, c'est justement les lecteurs qui viennent me voir. Moi, il y a un avis que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est un journaliste qui a lu mon livre et qui m'a dit « Je me suis vraiment accroché parce que je l'avais acheté et que je voulais voir où tu nous emmenais. » Au milieu du livre, tu m'as totalement emporté, tu m'as tout fait oublier. Et en fait, il m'a dit, au début, je lisais comme on lit un peu sur la plage, avant de m'endormir, etc. Il m'a dit, il faut surtout pas faire ça, faut pas le lire avant de s'endormir, parce qu'on va être obligé de relire le passage quand on va se réveiller. Oui. Et c'est presque un roman, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, bon, je ne sais pas si tu partages, mais à presque lire d'une traite, ou en tout cas à lire quand on a l'esprit libre, parce que oui, ça fait L'esprit libre et qu'on a du temps. On ne peut pas lire un paragraphe et arrêter parce que le bus arrive à l'arrêt ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est impossible parce que de toute façon, on ne retrouve pas le... Moi, si je faisais ça, je savais que je ne retrouvais pas l'ambiance dans laquelle tu m'emmenais. Oui. Je le savais. Donc, je l'ai lu d'une traite. Ben voilà, il faut faire un voyage en Laponie et une portée blanche. J'ai envie de repartir. Bref, voilà. Donc, après tout ça, on va faire une deuxième coupure musicale avec Jacques Brel, Amsterdam. Oui. Alors au début, je voulais Patrick Sébastien, mais le technicien me l'a interdit. Ah d'accord. Je voulais faire tourner les serviettes. Je voulais faire tourner les serviettes. Donc j'ai choisi le deuxième plus grand artiste francophone du XXe siècle, Jacques Brel, parce que déjà, je trouve que dans son interprétation du morceau qu'on va écouter, c'est vraiment de l'interprétation en fait. C'est pas il chante, il vit son morceau, et c'est ce que j'essaye moi de faire passer à travers l'écriture, c'est de vivre ce que je suis en train d'écrire. Et puis, c'est vraiment magnifique la façon dont le morceau s'amplifie de plus en plus avec le thème marin qui n'est jamais loin dans ce que j'écris. Et là, dans le projet que j'ai en cours, ça reste également un des personnages principaux, l'océan. Très bien, on revient juste après pour ton actualité et ton caprice de lecture. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue. jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent de coups pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, déjà pour Blanche de Marco Noël, qui nous a dévoilé quelques secrets de fabrication de Blanche, mais on garde le suspense entier. Marco, est-ce que tu peux nous faire part de ton actualité ? Alors, quand je dis actualité, c'est souvent est-ce que tu as un autre projet littéraire en cours ou des salons à venir ou que sais-je ? Et surtout après, ton caprice de lecture, la parole est à toi. C'est difficile de passer après Jacques Brel quand même. Oui, je sais. Alors, pour mon actualité, bah là, je viens de faire le trajet depuis le Luxembourg, ouais, où j'étais tout le week-end au Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté à le Lux Expo The Box pour, okay, un salon littéraire. C'était passionnant, et l'actualité future, ça va être des séances de dédicaces dans les librairies. Il y en a une qui se profile à Thionville. Super. Je donnerai bientôt des nouvelles sur les réseaux sociaux. Super. L'actualité d'écriture, elle est très intense en ce moment. Là, pour le coup, je m'oblige et je me réserve vraiment ces fameuses 2 heures d'écriture au minimum, parce que je suis sur un projet, alors, peut-être moins atypique que Blanche. D'accord. Plus dans une narration qui est traditionnelle. Ouais. Mais avec des différents personnages et rebondissements qui vont... De toute façon, montrer que bah, c'est la même plume que Blanche. D'accord. Même si on n'est pas dans le côté onirique, pour reprendre tes, okay, mots, ou atypique. Donc là, ouais, je suis sur un projet. On va dire que j'ai la fin, comme j'avais dit au début de ton émission, dans la tête. J'ai déjà écrit un bon tiers de ce que sera, je pense, le livre final. Ok. Et maintenant, bah, tout est à faire de... Presque plus qu'à mettre sur ton pan de mur chez toi. Oui, exactement. Et tout est à faire de discipline. Oui. Et surtout de disponibilité d'esprit, parce que je pense que... Je parle également à quelqu'un qui a écrit un roman. Donc, je pense que ce qui est le plus dur, et surtout quand on est face à la page et que des fois, parce que c'est fait de haut et de bas, hein, c'est très sinusoïdal, on se retrouve avec, comme je l'ai dit parfois, une quinzaine de pages écrites en une journée. On est très content. D'autres fois, en fait, on n'est pas content du tout, parce que quand on se relit, c'était juste médiocre. Là où, comme moi aujourd'hui, j'ai écrit 10 lignes et j'ai dit de toute façon, ce ne sera pas aujourd'hui, c'est même pas la peine. Voilà, ça va être rien du tout. Donc, voilà, ce n'est pas la peine d'insister. Et puis, toujours cette façon de se voir comme vendant un produit, finalement, parce qu'en tant qu'auteur, ben, on vend un livre, enfin, c'est la maison d'édition, oui, qui le vend, mais est-ce que je suis légitime pour être vendu ? Est-ce que je suis légitime pour être interviewé par Sarah Bijard ? C'est terrible. Non, mais c'est vrai, c'est ce genre de questions qui nous... On saute aux sapes, quelque part. Oui. Mais c'est bien, je trouve. Je trouve que c'est bien, parce que déjà, ça remet l'ego à sa place. Ouais. Ça apporte une forme d'humilité. Et moi, ça oblige à la discipline, oui, quand même. Absolument. Ah, je pense, voilà, vraiment que je serais moins bon que ce que je suis si on ne me forçait pas à cette... Si la société et la façon dont fonctionne le monde littéraire ne me forçait pas à cette humilité. Okay. Parce que si je relis ce que j'ai écrit il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années en arrière... je me trouverais prétentieux. Ok. Et là, je pense que j'ai. Il y a peut-être aussi l'âge qui fait qu'on gagne en maturité. On prend peut-être du recul sur d'autres choses. Moi, ouais. Je pense. Ouais. Oui, c'est possible. Ouais. Je pense. Ok. Et le deuxième sera toujours dans la même maison d'édition ou tu sais pas encore ou. Alors ça, je ne sais absolument c'est pas encore. Pas. J'ai pas signé de contrat pour un deuxième roman avec Hello Édition, même si je suis très content de travailler avec eux. Ouais. Non, je sais pas du tout. Je sais pas quelle direction ça va prendre. Mon but, c'est pas la célébrité. Je veux pas être le prochain Guillaume Musso ou Marc Lévy. Tu écris parce que tu as envie d'écrire et de partager. Et de partager, voilà, exactement. C'est ça. Et c'est vraiment ce concept de partage. Ouais. Et un partage, je trouve que ça implique autre chose que je te donne et je reçois. C'est je te donne quelque chose qui va aussi te permettre, toi, de partager quelque chose avec toi-même. Je te donne un petit bout de moi pour que tu puisses te retrouver toi. Moi, c'est comme ça que je le... Voilà, je suis d'accord. Et puis, tu l'as dit, on met un petit peu de soi, mais on met aussi, surtout, beaucoup d'un monde qui nous est apparu à un moment ou qu'on a totalement inventé de A à Z. Et ça va permettre à la personne qui est en face, le lecteur, de se projeter dans un monde qui n'est pas forcément le sien, qui n'est pas sa réalité. Et je pense qu'on en a vraiment besoin à l'époque actuelle. Ton caprice de lecture. Moi, j'ai hâte. C'est pour ça que je pousse un peu, parce que depuis tout à l'heure, je vois là-bas, je ne connais pas du tout, et j'ai qu'une envie, c'est découvrir ce que c'est. Alors, j'ai beaucoup hésité, mais j'imagine, comme chacun de tes invités. Mais il y avait une ligne, c'était je voulais faire découvrir un roman islandais. J'adore la littérature poétique de Jón Kalman Stefánsson, qui vient de sortir un nouveau livre, là. J'adore les thrillers, les policiers très sombres de Arnaldur Indridason. Alors, moi, je viens de finir un islandais. Je suis incapable de retenir le nom de l'autrice, mais le livre s'appelle La Proie. Alors, je me demande si c'est pas Olaf Stoltir, mais... Je crois pas que ce soit elle. Et pour le coup, cette nuit, j'ai dormi 4h30 parce que je voulais impérativement finir le livre. Tout s'explique. Comme quoi, hein, toute habitude a son exception. Et alors, mon caprice de lecture, c'est un livre qui s'appelle Love Star, qui a été écrit par Andrisner Magnason. Avec l'accent, s'il vous plaît. L'Islande, je trouve que c'est un pays fascinant. J'ai pas encore eu la chance d'y aller. C'est vraiment mon prochain projet de voyage. Mais je trouve que la langue est fascinante. D'ailleurs, Tolkien a beaucoup travaillé sur le linguisme islandais pour écrire sa Terre du Milieu dans Le Seigneur des Anneaux. L'Islande, c'est un pays qui concentre tout. Il y a l'océan, il y a la géothermie, les volcans. Et puis, c'est un pays insulaire de 300 000 habitants qui est culturellement très particulier. Et ça se ressent dans cette littérature islandaise, et notamment chez Andrisner Magnason, qui signe avec Love Star un roman que je qualifierais de carrefour entre Barjavel, Orwell, et puis les grands classiques islandais de Jón Kalman Stefánsson. Alors, c'est une dystopie. D'accord. Ça se passe dans un monde pas si lointain, où en fait, alors ça a été écrit en 2002, la traduction, comme d'habitude, incroyable de Eric Bourri dès qu'il s'agit d'islandais, elle date de 2015, donc je m'adresse à tous ceux qui sont dans le studio, c'est avant les réseaux sociaux. Love Star va mettre en scène une dystopie dans un futur proche, où finalement on va abandonner la technologie. Toute la technologie, parce qu'on a découvert, il y a une sorte de génie visionnaire à la Elon Musk qui a découvert une nouvelle façon de faire de la technologie en s'inspirant de la synchronisation des oiseaux quand ils volent. Et en fait, il va créer une sorte d'humain connecté où tous, par une sorte de télépathie, on va pouvoir être connectés les uns aux autres. Alors, tout ça, ça pourrait paraître absolument fascinant, sauf qu'évidemment, si c'est tenu par un Elon Musk, ça va être au principe de l'hyper-consumérisme. On devient tous des panneaux publicitaires ambulants, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut recevoir une instruction dans notre tête qui va nous faire déclamer un slogan. Ça fait presque peur, ça. C'est vraiment effrayant. On est vraiment, je te dis, à la croisée de 1984 et d'un Ravage, par exemple. Et puis, alors, il y a trois grands principes dans Love Star. C'est cette technologie, ou cette, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais elle va permettre trois choses. Il y a Regret, qui est une façon de rembobiner nos souvenirs est très pratique pour les enfants mal éduqués. Ouais. Donc on va pouvoir revenir en arrière pour mieux les éduquer. Évidemment, tout ça a un coût, hein, ça coûte énormément d'argent. Ouais. D'où le fait de se faire sponsoriser pour déclamer de la pub pour gagner de l'argent. Il y a Love More qui va permettre en fait de se débarrasser des cimetières qui prennent une place énorme dans notre urbanisme. Okay. En fait, on envoie les personnes qui sont décédées dans l'espace, dans la stratosphère, et en fait, quand elles reviennent, ça fait des étoiles filantes. Alors, ça paraît très poétique, mais c'est le commerce de la mort. Je sais pas si tu as vu ma tête. Oui, tu t'es décomposé. Et surtout, et moi c'est ça qui m'intéresse, et tu vas comprendre je pense pourquoi je veux le faire découvrir au lecteur et quel est le rapport avec Blanche, il y a In Love qui est une sorte d'algorithme qui va définir qui est ton âme sœur. Ah, genre, c'est le Tinder... C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui sans cesse calcule qui est ton âme sœur, et puis le jour où t'es tiré au sort, eh bien, en fait, tu reçois une lettre chez toi et on te dit, bah voilà, cette personne-là, c'est la personne avec c'est qui tu vas faire ta vie. C'est celle qui te correspond et tu feras ta vie avec. Exactement. Okay. Sauf que pour les deux héros, donc qui sont Indrithi et Sigrithur, c'est un peu les Roméo et Juliette du roman. D'accord. Évidemment, quand ils reçoivent la lettre, c'est pas l'un et l'autre. Ils vivent le parfait amour, ils sont collés l'un à l'autre, okay. C'est vraiment un amour fusionnel. Ouais. Et Sigrithur reçoit la lettre et elle s'aperçoit que c'est pas Indrithi, son âme sœur. Et donc va s'en suivre tout un parcours du combattant. Alors je pense d'ailleurs que ce livre a inspiré un épisode de Black Mirror, parce que quand j'ai eu l'occasion de regarder la série fin des années 2010, il y a un épisode de Black Mirror qui parle justement de ces couples parfaits créés par l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est écrit avec l'humour totalement absurde, noir et parfois très cru à l'islandaise, et en même temps une forme de réalisme sauvage qui nous fait réfléchir sur ce qu'on pourrait qualifier de dystopie encore quelques années, ouais. Et puis qui maintenant, avec les réseaux sociaux, est notre réalité. Merci. Malheureusement. Et voilà, je trouve ça très très intéressant. Donc c'est Lovestar. Lovestar par André Lissner Magnasson. Là, aux éditions J'ai lu, absolument. Il est disponible chez toutes les plateformes. Et dans toutes les bonnes librairies. Bien sûr. Évidemment. Oui, parce qu'il faut évidemment rendre hommage au travail fait par les libraires. C'est mon côté un peu vintage, j'y tiens. Moi aussi, le côté papier, j'en ai besoin. Merci beaucoup, Marco Noël, d'être venu dans les studios de Fadjet, tout droit du Luxembourg en plus. Alors encore plus merci pour nous parler de Blanche, édité donc chez Hello Éditions depuis novembre 2025. C'est ça ? C'est ça, c'est sorti le 7 novembre 2025. Donc depuis novembre 2025, merci beaucoup. Et merci, puis j'espère te retrouver très bientôt, et bien pour le prochain. Peut-être, mais comme j'ai l'habitude de venir à Fadjet tous les 10 ans, donc en 2036. Peut-être. Merci à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.